niggas, I intend to. Y'all ain't shit but sticky shit on the bottom of Timberlands. I know you clam heads wanna surrender. Don't even act like the battlefield's a place you wanna enter. Y'all niggas is hopeless, you really need to focus on who the fuck is dopeless. So wind up hopeless, looking for some soup, trying to recoup some fucking loot. Only thing you get is the boot. Tell me these pumpkin seeds is nothing but fruit. Cakes shake they booty on stage and get hit with lyrics that I can't. Talking that bullshit, you might get lit like a front of a split for running off at your lips talking that nonsense. Wrong, get on stage, take your confidence, break your offense, powerful defense. Dress funny like a leprechaun. I chop rappers up like chicken Szechuan. Selling squads off like a slave auction. Hey yo, my zodiac sign read caution. On stage, I make you see to an off on. Yo, my age and algebraic equation. Niggas want some, I hit them with a portion. Son, the fifth awesome, armed at the door, son. And Militilla dice, roll quick draw, son. You don't want no more, son, that's when more come. And drag a nigga, Erie Avenue to Organ. Y'all all done, ladies and gentlemen. Select a weapon at the gate upon entering a boost. Instrumental and spark shit. Them niggas try to talk shit. We hit them like the LS60 if a market. South Philly clip a hole into a nigga pocket. Take sneaks, chains, and ranks and bracelets. Split back this like we the therapist. Adrenaline, fifth mic, terrorist. Once again, once again, yeah, once again, yeah, once again, yeah, ladies and gentlemen. Once again, yeah, once again, yeah, yeah, yeah. Adrenaline. Digga, digga, digga, trying to get the grip and still slips and lift me up. Ever since I was a pup, I was designed to erupt. You get to know me, you poke me slowly when caught buzzing. Some niggas thought they was, when of course they wasn't. Punked them with the dozen, the pellets all in their skeleton. Transform from the norm, start the brainstorm. League B from the roots of Yangon. I took the wrong exit, the signs of Langhorn. I'm trapped up in about five worlds with live pearls. Shout to all my equine, whose name is Jalil. The mode is deep voice, so let your hand expand it. Commanding, taking you back like not landing. The Ralph Cramden, we out, yo, see it Hampton, yo. Put the pivot on this concrete earth until I rot. Didn't figure how to conquer it, yeah, but still I pop. Once again, beats past the Mac and we held them like hostages. Rappers see me how they face like ostriches. Thanks to grind your brain into little sausages. Underwater rap, you know who the boss is in. North Philly, baby, that's where that raw shit is. They get blown out the sky once shit get targeted. 18th of our rhymes, I fathered it. So when you see me on the street, don't bother, kid. Just be on your merry way or you might get slid. Ask around, wondering what dice roll did. Let you on floors like they're getting carpeted. You need a special kind of mic for retarded kids. Me against shoes like Kang against the partridges. You wanna battle, change your name to the forfeiters. Cause that's what you do, face to face with raw niggas. I give you a bad case of the fucked up jitters. Once again, yeah, once again, yeah, once again, yeah, ladies and gentlemen. Once again, yeah, once again, yeah, yeah, yeah. They used to talk shit, but I'ma quiet them. Kicking the door with my boys, did the riot then. First nigga that flinch, I'ma fire him. Tape him up, grip his hands and ply them. Know the bricks is in here, where you hiding them? Don't die in the shit that you lying in. I used to get front of bricks, now I'm buying them. Used to cop off my man and I'm supplying him. Play the front row seat, watching Iverson. First class aircraft when I'm flying in to L.A. Shaq, Eddie, Kobe Bryant and them. Say to Joseph, Chris Tucker, Richard Pryor them. Used to shotgun the cars, now I'm driving them. Used to hustle around bars, y'all was robbing them. Ran up in y'all spot with robbing them. Grew up 2-4 with buying them. But do my dirt 21st with Kyle and them. Nigga pop, nigga buzz, little Mark and them. Brother News, nigga school, Molly Park and them. Nigga jump, pull a punk, low spark and them. I know shit right now, getting dark in them. Tore they body y'all up, ain't no chalk in them. I'm too sharp for them, move out in the dark in them. These in the down foul streets when I'm stomping them. Once again, yeah. Once again, yeah, once again, yeah, ladies and gentlemen. Once again, yeah, once again, yeah, yeah, adrenaline. Once again, yeah, once again, yeah, once again, yeah, ladies and gentlemen. Once again, yeah, once again, yeah, yeah, yeah, adrenaline. Once again, yeah, once again, yeah, ladies and gentlemen. Once again, yeah, once again. Je crois que je suis le seul au monde. Et là, le seul au monde, là, j'exagère pas, là. Sur la planète, sur la stratosphère, je suis le seul. Vous avez hâte de savoir quoi, hein? Je suis le seul à avoir fait un nœud sur mon micro sans fil. Et là, pendant la chanson exceptionnelle de Roots, hein, on va vite, hein? Êtes-vous prêts? Madame Thibodeau, vous allez être dépeignée. Aimez-vous ça être dépeignée? Bon, quand c'est pour un premier rendez-vous, c'est certain que ça paraît mal. Parce que l'apparence aujourd'hui dans notre société est très importante. Est primordial pour ne pas dire et centré là-dessus. Les médias embarquent, tous les médias, là, médias écrits, la radio, la seule qui. C'est CKRL. Les radios que je dis de gauche, que je dis libertaire, pamphlétaire, que je dis libre aussi, pas besoin d'être pamphlétaire, mais d'une liberté intellectuelle, d'une liberté musicale, d'une liberté... Est-ce qu'avons-nous encore, dans la francophonie, des radios qui s'orientent vers ce chemin-là? Faudrait se poser des questions, là. Vous allez poser des questions, puis on se pose des questions pour plein de choses. On se pose des questions déjà le matin. Est-ce que je me rendors ou si je me lève? Si je me rendors, est-ce que je risque d'être en retard? La deuxième question, hein? Si je me rendors, est-ce que je risque d'être en retard? Tu fais de la poésie sans le savoir. Le matin. Et toi, es-tu du genre à te réveiller avec le cadran? Moi, jamais. Jamais le cadran me réveille. Je me suis acheté un ami fidèle. Mon ami fidèle. Un yok. C'est pas moi qui l'ai acheté, c'est vrai. Et je suis aux prises. Je préfère dire ça. Je suis aux prises avec un... Tout le monde le sait. Un Yorkshire croisé caniche. Donc, il y a beaucoup de caniches. Beaucoup de caniches. Il y a du caniche là-dedans. Fait que il me réveille. Pas besoin d'être en retard avec lui. On peut pas être en retard. Si oui, hey, imaginez-vous, je dors avec des bouchons. Spécial, là. Là, je me suis rendu compte que j'étais dans le mauvais trou. Ça m'arrive souvent d'être dans le mauvais trou. Voulez-vous savoir ce qui est arrivé pour que je vous dise ça, que j'étais dans le mauvais trou? Oh, on va se la dilater. Oh, j'espère que ça va être le bon trou. Oh. Avant d'ouvrir le micro, savez-vous ce qui s'est passé? Avant que je commence à faire jouer de la musique, avant d'entendre ce merveilleux générique que nous aimons tant et qui nous rappelle de beaux souvenirs. Hey, je suis tombé, aïe donc, hier, sur un de mes premiers génériques d'Errance Renadienne, et je me suis dit qu'à un moment donné, je devrais vous le faire partager. Mais peut-être même aujourd'hui, on ne sait pas. Aujourd'hui. J'ai essayé de trouver le disque pendant une autre chanson. Mais vous savez, avant que j'ouvre l'émission, avant que vous entendiez ceci, là, ben, j'avais placé mes écouteurs sur mon Tascam, je l'ai nommé, c'est un appareil extraordinaire. C'est avec ça que je fais Errance Renadienne depuis 15 ans. Il me suit n'importe où, mais quand je fais mes rencontres, je sais que c'est quasiment intéressant ce que je vous dis, sauf pour les... Pas les amateurs, je dirais pas les amateurs, mais non, pour les puristes, là, tu sais, les gens qui travaillent dans le son, dans la musique, dans la sonorité. Quel appareil tu prends? Quel micro utilises-tu? Les écouteurs, c'est pas important, c'est juste pour toi. Mais le micro? Quel magnéto numérique? Qu'est-ce qui se passe dans ta vie sonore? S'il vous plaît, divulgue-moi tout. Oui. Quand je pars à Paris, c'est des mini. Mini. Des mini. Des Andy mini. Andy! Show! Andy! Je dis c'est la chouette à levure. Non, mais j'aime ça faire ça, moi. Ça me fait... On dirait que j'ai des frissons dans le tourne-dos. Ça m'arrive pas souvent d'avoir des frissons dans le tourne-dos, madame. On peut appeler ça de la transe. Et si, à mon émission, à chaque fois que je la fais, j'ai pas 15 secondes de transe, je me dis, je vais arrêter. Bon, je ne plus, avant là, je vais arrêter. Je vais pas arrêter. Maman, arrêtez. Je peux pas aller plus loin. J'ai pas plané. Je me voulais cerf-volant. Je n'étais que tapis roulant. Non, mais ça a l'air insipide. Mais je vais vous expliquer. Je me croyais cerf-volant, monté dans le ciel pour atteindre, bien sûr, l'Éden. En Béden. Moi, j'aime bien l'Éden en Béden. Est-ce que vous vous êtes fait frotter l'Éden par sa Béden? Oh, il y a des choses qui se passent hein, au niveau du nombril. Le nombril capte des affaires. On savait même pas ça, nous autres. Là, hein? On a demandé aux savants de réfléchir sur l'avenir, réfléchir sur nous, les êtres humains, surtout de trouver des posiologies pour nous faire vivre in vitam paparmal. Puis, hein, on veut persister, on veut rester. Même si on s'emmerde souvent, on veut rester longtemps à s'emmerder. Là. C'est comme ça. Le monde, c'est plus du monde. C'est rendu des clones. Répétitif. Hey, je m'ennuie des films de Stanley Kubrick. Je sais pas si ça vient de me flasher, là. Je m'ennuie des films de Stephen Kubrick. Mais pas les films qu'il a fait, mais je m'ennuie des œuvres qu'il aurait pu faire de Kubrick. Pas. Il me semble que je regarderais bien là, une nouveauté. Là. Mais non, il est mort. Il y a un titre là, que, je sais pas, là, Renoir aujourd'hui. Pas son père, le fils. Renoir, le fils. Ouais, moi, ça, voir une nouveauté de ce gars-là, là. Ce que j'ai, C'est des archives. Des films d'époque. Ces films. Ça DVD-ographie. Je possède des œuvres complètes de Renoir. Avec Simone Signoret. Avec Yves Montand. Avec Avin. Avez-vous vu avec Avin? C'est pas, il n'est pas très connu. C'est un le comédien s'appelle Avin. Là, vous aimeriez chercher, là, hein? Vous avez votre téléphone intelligent. Vous venez de manquer un peu d'intelligence là-dessus. Je comprends pas ce que tu veux dire. Comment il s'appelle? Place le téléphone devant la radio. Il va capter le téléphone. Moi, je suis pas capable. Il y a pas quelque chose qui passe pas. Il n'y a pas d'onde. On dirait que j'ai pas d'onde. Je capte pas. Et quand je capte pas, je capte pas. C'est trop élevé pour moi intellectuellement. Je suis pas capable. Je suis comme une voiture, je capote. La voiture capote. Elle roule trop vite, hein. Il y a un fossé, elle capote la voiture. Moi, je tourne sur le devant, tout le haut, puis je me dis, je comprends pas ce qui se passe, je comprends pas. Là, je capte bien, comme dans mes voix. Puis là, je fais de l'asthme. Je vais mourir, je fais de l'asthme. Non, on dit de l'asthme. Non, moi, je fais de l'asthme. Arrête-toi. Quand tu me contredis, tu me dis, je deviens rouge. Garde la pupille. Elle dit, l'aide plus. Je suis mort. Je parle, là, mais je suis mort. Il écoute pas. Non, mais les poules, pas de tête. Ça course encore. C'est mort. C'est que ça cause, c'est plus vivant, c'est mort. Là, je suis mort. Parce que je suis comme une poule. Ça va pas bien. As-tu une pause musicale, quelque chose? La musique. Une émission de radio, pas de musique. Ça arrive-tu souvent, ça, docteur? Jamais vu ça. J'ai jamais entendu ça, parce que je veux pas voir ces affaires-là, moi. Je veux entendre, c'est bien difficile, entendre. Puis non, Raymond, regarde-moi dans les yeux. Non. C'est le punch. Oh, le punch arrive, Raymond. M'entends prendre trois verres. Moi, j'ai perdu le fil que je voulais voir. Non. Ah, c'était merveilleux. C'était merveilleux, puis surtout, c'était pour passer à la musique. Comme un besoin soudain de vouloir prendre l'air, de s'enivrer de visage et de couleur, prendre un peu le temps, un bain dans la mer, se sourire et se plaire. Les cerisiers en fleurs, attendre la nuit, s'y coucher sans rien dire, plier en origami, dans la pénombre des villes, ces faisceaux, ces lumières, ces échoppes, ces quartiers qui ont vu vivre, verront naître puis mourir. C'est pas triste d'y songer, mais on peut bien se rappeler que possiblement tout ça n'est qu'éphémère, qu'on n'y reviendra plus, que les idéaux sont des fétiches intérimaires qui nous ont déçus. Comme un écho du haut de la falaise, je dérive à Tokyo, estampe japonaise. Comme un halo perce les roselières sur un îlot entre ciel et mer. S'échapper des fumées blanches pour en trouver d'autres plus grises, qu'elles nous emmènent et qu'elles nous portent vers d'autres lieux, vers d'autres rives. Moi j'aimerais découvrir l'Asie, les temples et les esquisses, les néflis et du Japon, les néons qui se tamisent, paumés dans les limbes et les lueurs des nuits samouraï. Les souvenirs du mont Fuji perdus dans la nuit braille, s'éveiller dans une funaya au bord de l'eau aïnée, y laisser couler le visa que personne puisse me retrouver. Comme un écho du haut de la falaise, j'dérive à Tokyo, estampe japonaise. Comme un halo perce les roselières sur un îlot entre ciel et mer. Comme un écho du haut de la falaise, j'dérive à Tokyo, estampe japonaise. Comme un halo perce les roselières sur un îlot entre ciel et mer. Thank you.

Hendrix. Jimi Hendrix, mes amis, Jimi Hendrix. Aujourd'hui, je vous propose une chanteuse exceptionnelle parce que je dois commencer par le début. Merci, madame. Merci de me faire des signes. Aujourd'hui, les errances rénaldiennes vous présentent plusieurs routes pour nous et entre nous. Laissons sur la chaussée les valises trop lourdes, les problèmes liés au boulot et au ciboulot. Confions la boussole aux gestionnaires de nos entreprises en manque de direction. Oublions les embarras familiaux. En vous disant ça, j'oublie pas que dans quelques jours, j'irai voir le dentiste. Si vous me suivez, vous savez ce que je veux dire. Si vous me suivez pas, ben, vous venez de me perdre. Alors, c'est une réparation majeure de ma bouche. Et pendant qu'ils travailleront à faire quelque chose de potable, je leur demanderai s'ils ne peuvent pas entrer quelques mots du dictionnaire dans ma bouche qui pourraient faire que mon émission, dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, dans les prochaines années, puisse prendre un peu d'effervescence. Ce serait important. Excusez-moi. Donc, quand je dis « non, je vais voir le dentiste », puis, j'ai décidé de faire la totale. C'est pas de me faire arracher toutes les dents, non. Ne vous en faites point. Je ne serai pas un édenté. Je le suis déjà. Je suis un accidenté, mais pas édenté. Ouais, mais soyons francs, madame. Il m'en manque quelques-unes. Pas parce que j'ai reçu des taloches, des coups de poing sur la bouche, mais c'est la vie. Mange du chocolat, aime les caramels, aime la bonne vie, brosse les dents quelquefois. Oh, on s'endort, on ne se rappelle plus de se brosser les dents. Oh, la lâcheté! Nous sommes des êtres de lâcheté. Bien couché. On se pose des questions avant, hein? Je parlais des questions au début de l'émission, là. On s'en pose-tu des questions avant de se coucher? Oh, est-ce que j'ai bien fermé le rond du poil? Est-ce que j'ai bien fermé tous les robinets? Est-ce que les portes sont verrouillées? Oh, je me suis pas brossé les dents. Oh, est-ce que je vais me lever? Et c'est là. On se lève, si on se lève, ben écoute, on va se lever le lendemain matin avec une bouche un peu plus agréable, même si la nuit, dépendant de vos nuits, les miennes sont assez agitées, ça dépend, ben, parce que je suis insomniaque. Donc, on a la bouche plus fraîche malgré que tout est passé. Hein? On dirait que tu veux pas embrasser quelqu'un si t'as pas ta petite menthe, ta papermente dans la bouche. Si tu l'as pas dans la mouche, tu la mets dans la bouche. Et avec ça, tu fais mouche. Et puis, donc, qu'est-ce qu'il voulait dire? Ah oui, c'est ça, tu dis, oh, je me lève pas, là. Je suis bien, on dirait que je vais partir. Pas partir dans le sens de mourir, là. Quoique, dormir, c'est mourir un peu. Ça vient de moi, ça. Là. Actuellement, je viens de créer ça. Dormir, c'est mourir un peu. Hey, prenez ça en note, là. Ah, hey! Et puis, donc, tu te dis, oh non, je vais m'endormir. Je vais me laisser à l'aise. Un peu comme le dernier voyage pour tomber dans les bras de Morpheus. Et t'as toujours la conscience. Ah, ben oui, mais là, des caries vont se propager. Puis, hein, j'ai déjà peut-être des petits problèmes buccaux. Puis, ça fait longtemps que j'ai pas écouté Gilbert Bucot. Quoique je l'écoute assez souvent, dans un mois, quoi, 4-5 fois. J'ai une radio qui, au travail, il le diffuse, mais c'est toujours les mêmes chansons. Toujours les mêmes chansons. Et maintenant, que vais-je faire? Puis, oh mon Dieu, c'est pas qui a volé. On n'entend jamais ça. C'est souvent la bain de minuit, là. Au bain de minuit! Elle est bonne, mais trop souvent, c'est moins bon. Et puis, on dit, oh non, je vais rester couché, puis la carie se propagera. Mais imaginez-vous que dans quelques jours, là. Et comme je vous ai dit, j'ai été un peu délinquant, un peu anarchiste, puisque j'ai le dentiste rapidement accepté, mais au début, il était un peu réticent. Puisque c'est aux quatre coins de ma bouche, j'ai dit on va les faire en même temps. J'ai quatre soins. C'est comme les méridiens, c'est les quatre différents. Fait que là, il me dit comme ça, « Oui, M. Gagné, vous savez qu'on doit geler l'endroit où on travaille sur votre dent. » Oui, il n'y a pas de problème. « Oui, mais si on fait les quatre, et à des diamètres différents, toute votre bouche sera gelée. » J'ai dit « Oui. » « Oui, d'accord, mais là, vous me dites aussi que vous travaillez 3 heures plus tard. » « Oui, c'est vrai. » « Êtes-vous conscient que vous allez avoir la bouche toute... » Oui. « Oui, très bien. » D'accord. Donc, on y va avec ça? Oui, on y va avec ça. D'accord. Alors, on se revoit juste une fois? Une seule fois. D'accord. Oui. Mais on pourrait... Non. C'est une seule fois. Quatre fois. Puis quatre réparations en une seule séance. Hop. Monsieur est cinglé? Non, le monsieur est sadomasochiste! Non. Et puis, non, mais écoute, il faut le faire. Quand il faut le faire, là, puis moi, en plusieurs fois, là, ça demande d'autres rendez-vous, se rendre sur place. Puis moi, me faire ça à la maison, ça ne me dérange pas. Tu sais, tu es au dentiste, tu viens quand tu veux, là, quand tu as 2-3 minutes, là, tu peux passer, hein, m'enlever quelques caries, oui, puis me réduire. Non, mais c'est vrai, ça pourrait être plus cher. Parce qu'il doit partir, sa limousine, là. Puis là, partait. Une limousine à 8 cylindres. Coûte cher, ça. C'est pas mon scooter électrique, cette affaire-là, là. Moi, si j'étais dentiste, je me prendrais en scooter à travers la ville de Québec. Je ferais des réparations buccales moins chères que les autres. Ça arrive pas. La rime, c'est pas important. Aujourd'hui, parce que mon invité me demande, puis surtout, je m'oblige et je veux entendre de ses belles chansons et surtout sa voix qui chante tellement bien. C'était une sublime rencontre. Et c'est le dernier volet de cette belle discussion avec mon ami qui m'a vu pleurer, puisque ma mère venait de mourir, elle m'a réconforté. Donc, voici Estelle Meyer, la sublime, l'incroyable, celle qui... et ça, je le fais, mais avec beaucoup d'amour. Hein. J'aime bien les... Je parlais il y a quelques semaines de la chanteuse Gardeau, Mélodie Gardeau, qui, elle, lorsqu'elle chante, c'est... J'aime bien parce que c'est des cantiques. Ils vont chercher l'intériorité. Hey, t'as eu peur, hein? L'intérieur de qui? L'intérieur de Ronde? Non. L'intériorité, la musicalité des mots et surtout l'essence de l'idée qui arrive à travers une ondulation de... J'adore. Donc, je vous présente. Je le fais beaucoup moins bien qu'elle. Elles sont des professionnels. Mélodie Gardeau et Emmanuel. Non. C'est une blague. Non, parce qu'elle m'a fait signe. Emmanuel Donjon, donc c'est sa première. Elle est stagiaire actuellement. Puis elle voulait que je dise son nom. Elle avait écrit sur un carton. Puis là, je me suis dit, en balançant mon invité, en disant le nom de mon invité. Non, pas, je ne veux pas balancer. Je veux dire, je veux divulguer. Je veux vous faire connaître pour la dernière fois Estelle. Pas la dernière fois. Non, elle est encore vivante. Elle va très bien. Elle est en tournée. Elle fait des albums. Elle prépare beaucoup de choses. Donc, Estelle Meyer. Honey, and nothing will be spared. But I love you. De la pop, de la soul, de la pop rock ou de la techno, de la dance soul ou bien du rap pour les pecno. Que tu carbures à la bière ou au cidre, à la save, à la weed, à la poudre, à l'acide. Si t'es soudé par le rap de teenager, fatigué d'entendre cailler les bandes de Yorkshire, des rappeurs conscients qui te font la leçon par cœur, des gangsters foireux qui s'imaginent te faire peur. Je te propose un courant alternatif pour mettre la gifle et raflant la chair à vif avec la griffe d'un niveau qui va faire la diff. Quiconque m'appelle la mif prendra le même tarif. Leur crew, leur beatmaker et leur son, je me fous de savoir ce que les autres rappeurs font. Je rebondis au jeu d'échecs et leur plombe sur toute longueur d'onde, les moves de leur pion. En équilibre sur une main là où ils sont mal assis, entre leur mental et le mien, y'a des galaxies. Déprimé est humain, plutôt que de faire un maxi, rapper en rond ne résout rien, qu'ils aillent voir un psy. Du haut de leur ignorance, ils trippent grave. J'en ai croisé des références des types braves, tellement subversifs et sûrs de ce qu'ils savent. On roule près du périph et kiffe sur les traves. Sista m'assista, ne te formalise pas. Je ne fais que de la distraction sous le nez des istras. Comprenne qui pourra et bien qu'on puisse pas aimer. Prends nos gardes pendant que je ne fais que freestyle. Yo yo, t'as compris ou pas? J'te le refais, pas la peine, t'as saisi ou pas? Vivons-nous au cœur du même monde, sommes-nous sur la même longueur d'onde? Yo yo, t'as compris ou pas? J'te le refais, pas la peine, t'as saisi ou pas? Vivons-nous au cœur du même monde, sommes-nous sur la même longueur d'onde? Si tu sais lire entre les lignes, tu peux écrire entre. T'as l'esprit ouvert, pas besoin de signes, j'entre. Ancienne ou nouvelle école, j'ai pris le centre. Je suis de l'école qu'apprend à se remplir le ventre. J'ai vu la concubine de l'hémoglobine, connu très tôt l'usine, ainsi qu'un bon lot de coquine. Ce spleen dans ma tête et les idées qui trottinent sont en marche de vos rimeurs, attend-il être clean. Ma jeunesse ne fut pas rosée, j'ai que ma cause à plaider, ainsi qu'une prose causant des nausées et que j'ai bon cœur à donner. Et ce que j'ai imposé sans jamais que lui m'assole et revient donner la tôle en relevant les compteurs affolés. Mes collègues font ce qu'ils peuvent, ayant très peu d'idées neuves et sa preuve au fil du fleuve entre les braves et les têtrés. Je n'ai aucune preuve à faire et j'œuvre en sifflant les caisses de liqueur qui pleuvent et n'arrêterai que quand je serai sevré. T'as compris ou pas? Je te le refais, pas la peine, t'as saisi ou pas? Vivons-nous au cœur du même monde, sommes-nous sur la même longueur d'onde? Yo yo, t'as compris ou pas? Je te le refais, pas la peine, t'as saisi ou pas? Vivons-nous au cœur du même monde, sommes-nous sur la même longueur d'onde? T'as compris ou pas? Je te refais, pas la peine, t'as saisi ou pas? Vivons-nous au cœur du même monde, sommes-nous sur la même longueur d'onde? Yo yo, t'as compris ou pas? Je te refais, pas la peine, t'as saisi ou pas? Vivons-nous au cœur du même monde, sommes-nous sur la même longueur d'onde? Un minet, un matou qui glorifie tes formes, qui sait pisser le bout. Apprends-moi à être beau, un petit côté macho, en même temps un télo. Adam son chaud, donne-moi ta violence, ta belle indifférence. Apprends-moi l'assurance, abandonner l'existence. Fais-le-moi un homme, un héros, un voyou, un empereur de Rome. Nu à tes genoux, fais de moi un homme, un minet, un matou qui glorifie tes formes, qui sait pisser debout. Un chevalier conquérant, un brasier ton amant, épileptique bucolique, dépressif, attachant, un regard de velours, un calife, un vautour, un homme, mon amour. Fais de moi un homme, un héros, un voyou, un empereur de Rome, nu à tes genoux. Fais-le-moi un homme, un minet, un matou qui glorifie tes formes, qui sait pisser le bout. Un amoureux hypochondriaque, tendance coq en pâte, qui s'accroche à tes pattes avec petite moustache, et ténébreux, et sérieux, et frileux, et généreux, et casse-couille, et bonne bouille, et un peu trop brusque, mais plein de tendresse, et toi tu me comprends. À parfois te prendre pour sa mère, ça c'est assez pénible, avoir très peur d'être père, et Agamemnon, le sexe fort, les jus seuls, les poivres seuls, les petites pucelles en dentelle, à te faire chier, à te faire jouir, à te faire sourire. Fais-le-moi un homme, un héros, un voyou, un empereur de Rome, nu à tes genoux. Fais-le-moi un homme, un minet, un matou qui glorifie tes formes, qui sait pisser debout. Fais-le-moi un homme, un héros, un voyou, un empereur de Rome, nu à tes genoux. Fais-le-moi un homme, un minet, un matou qui glorifie tes formes, qui sait pisser debout. Fais-le-moi un homme, un héros, un voyou, un empereur de Rome, nu à tes genoux. Fais-le-moi un homme, un minet, un matou qui glorifie tes formes, qui sait pisser debout. C'est comme si j'étais toute, tu vois, petite, perchée dans l'oreille et pouvait chuchoter un début de quelque chose. J'ai pas à le prendre en charge parce que je suis pas là. On arrive là-dessus, les musiciens ont des plumes, moi j'ai une robe belle. Donc c'est comme si on était caressé par plein de sens à la fois. Une voix très proche, c'est comme à la radio, où t'as le grain, comme si t'étais dans ta chambre, t'es caressé par l'autre. Voilà, le poème commence à arriver, tu rentres dans un monde qui est plus quotidien. Visuellement, c'est beau, tu vois des gens arriver. Et ensuite, tac, je commence a cappella par un chant gitan. Quelque chose, même pas en français, tu vois, qu'on soit encore saisi par un autre chose. Quelque chose qui arrache un peu le cœur, qui fait oh, qu'est-ce que c'est? Duerme, t'es niño, duerme. Tu vois, un truc qui t'envahit. Et ensuite, je dis à Grégoire, mon pianiste, tu rentres, mais tu prends ton temps. Tu poses un monde. Et là, il arrive au piano, il reprend comme ce thème, tu vois, espagnol. Et puis, tout d'un coup, petit, petit, ça grandit, le piano. Tu vois, il commence de l'aigu, il investit. Ça s'élargit. Et ensuite, il vient doucement à la première chanson. Mais on prend le temps. Tu vois, vraiment, genre, pour se mettre tous au diapason aussi. Parce qu'on arrive tous d'ailleurs, soi-même, enfin tu vois, prendre le temps de se rassembler et de commencer. Comme une flèche qui part droite. Quoi. Je trouve que les débuts et les fins, mais ça je pense que c'est ma formation d'actrice. Il faut que ce soit très précis, très clair et en même temps flamboyant. qu'on fasse. Oh putain, qu'est-ce qui se passe? Saisis quoi, pas commencer mollachon et ça grandit. On est prêt tout de suite, on commence quoi. Il y a un décroché du monde et on. Sous coupe volante quoi, on décolle. C'est toi qui l'as. Ouais. Ouais. Mais on sent que t'es patient, on sent que t'es vibratoire, t'es une fille qui vibre, t'es une fille qui est vraiment accrochée à la création, t'es vraiment en lien direct avec l'énergie. Et comment tu l'as développé? Est-ce qu'en fait t'étais comme ça? Oui, je pense. C'était au théâtre qu'on t'a... Je pense que c'est un mélange de... Ouais, je pense de... Ouais, de... d'archisensibilité. Je pense que je suis... Enfant, j'étais, tu vois, un enfant hyper sensible. Enfin, je pense que c'est... L'art est venu comme une aide. Parce que, du coup, le réel, parfois, était trop cognant pour moi. Trop brut. Donc, et aussi, venant d'une famille, je pense, tu vois, nombreuse, agitée, avec des formes de violence, de détresse. Enfin, je pense que j'avais besoin des mots et de pouvoir dire. Puis je suis dans une grande fratrie. Tu vois, c'est aussi, je pense aussi avoir un espace d'expression, pouvoir enfin dire. Et enfin, j'étais très timide. J'ai commencé le théâtre à 6 ans. Ma prof, elle disait, elle est super, mais on l'entend pas. Tu vois, j'avais un, comme ça ce son, je parlais comme ça. Ça a été aussi un espace de pouvoir affirmer. Comme les comtés de Charlotte Gainsbourg, toutes petites, toutes menues, toutes... Ouais. Est-ce que c'est la création qui t'a appelé ou si c'est toi qui as été vers la création? Est-ce que c'est un appel? Ah, c'est un appel. C'est un appel de dingue. Enfin, j'ai commencé le théâtre à 6 ans et vraiment, tu vois, le chant avec ma mère, on faisait un quelque chose qui s'appelait rythme et chant. Où il y avait ouais, des impros, je me rappelle quand elle mettait, on était dans une grande salle polyvalente, tu vois, pourtant sans poésie. Je me rappelle, nous avait mis les poissons, tu sais, de Camille Saint-Saëns. Oui, oui, oui, oui, oui. Et juste, on faisait ce qu'on voulait, en fait, tu vois, on vivait la danse comme on voulait. Je me rappelle ces moments d'extase, enfant, de la musique qui démarre. Et tu sais, t'es enfin libre, tu peux danser, bouger. Vraiment comme tu sens. C'est aussi un peu à cause de tes parents qui t'ont vraiment... Un univers fécond, exactement. C'est sûr. Ils t'ont... Très nourri. Fait, ouais. Donc ça coulait de source de faire ça. Je pense. Puis il y avait ma grand-mère aussi qui m'a pas mal élevée, qui était une grande ethnologue, ma grand-mère. Donc qui a beaucoup travaillé par exemple sur les Malis, tu vois. Sur les Dogons, sur la création du monde, la cosmogonie Dogon. Donc j'ai aussi un rapport, je pense, assez spirituel. Et le rituel m'a toujours passionnée. Tu vois, la danse des masques, justement, comment on ordre. Dans ma famille, il y a beaucoup de religions différentes. Donc un rapport au sacré. Ah, c'est rare, ça. Plusieurs religions différentes. Ouais, les trois religions du livre. Il y a le christianisme, le judaïsme, l'islam. Mon grand frère, il est marié avec une japonaise. Il s'est marié dans un temple shintoïste. Ma soeur épouse un bouddhiste. Incroyable. Donc tu vois, je pense qu'il y a un terreau comme ça aussi. Mais comment ça? C'est des gens disparates, c'est des gens éclatés. Ouais, il y a plein de métissages, il y a des espèces de couches de choses. Donc je pense que j'ai été aussi nourrie au biberon de plein de cultures. Donc j'ai toujours aussi cherché... C'est hors norme quand même, et tu consens que c'est hors norme? Ouais. C'est pas tout le monde quand même? Non. C'est merveilleux. Ouais. Des biberons d'autres cultures, un appel d'autres cultures, de voix. Mon grand-père était violoniste, tu vois, classique. Donc c'est pareil, c'est quelqu'un qui a fait des tournées du monde entier, il avait ramené des objets. Enfin, tu vois, moi, enfant, ça me faisait rêver. J'avais l'impression aussi que, enfin, disposer de sa vie, c'était d'être libre, de voyager, et que artiste, c'était la clé pour parler à tous les peuples du monde, à ouais, quelque chose d'universel, en lien avec les humains. Quelque chose de... J'ai toujours été quand même... Archi, tu vois, altruiste, tourner vers l'autre. L'autre me passionne, quoi. Qui sait? C'est quoi ton histoire? En quoi tu crois? Comment tu vis? Comment tu fais? Comment tu pries? Comment tu pleures? Comment tu aimes? Tu vois, une soif de comment tu fais pour vivre, quoi. Est-ce qu'on peut s'aider pour le faire, tous? Mais pour toi, la spiritualité est importante. Très, très, très. très. Tu pourrais pas connaître, rentrer en liaison amoureuse avec un homme qui n'a pas de, religion, qui n'a pas de croyance. En même temps, tu vois, mon amoureux, il est profondément athée. Même ça, ça l'agace, même parfois. Tu vois, dans ma chambre, il y a plein de vierges, un espèce d'hôtel mexicain. On peut pas enlever 2-3 vierges. Et je trouve ça archi sain, en fait. Je me méfie de tout dogme, tu vois, de toute... Alors, t'es quand même une veuve de... Archi. Mais quand je dis... en fait, je pense que je suis spirituelle. Je suis religieuse dans le sens, tu sais, comme en latin, religere, ce qui nous relie. Ouais. Entre le peuple des humains, entre tous les différents règnes, et entre quelque chose de plus grand. Je trouve que c'est une ouverture incroyable de fréquenter quelqu'un qui lui ne croit pas. Ouais. Mais en même temps, c'est quelqu'un qui a... Tu vois, par exemple... il croit en l'homme, il a un espèce de respect, tu vois. Des fois, il me dit, mais là, tu peux demander à l'univers, tu vois, c'est des choses qu'il a intégrées. Okay, okay. Mais c'est toi un peu qui lui a semé une graine à l'intérieur. Ouais, mais en fait, j'ai l'impression qu'on l'a tous, cette graine, que juste parfois elle est recouverte ou elle a été agacée parce que je trouve que des fois, on s'y est tellement mal pris, tu vois, avec la religion. On s'est dégoûté. Alors que le rapport au ciel, ou tu vois, comme les Indiens ils disent le grand esprit, ou au souffle, ou au mystère, on sait bien, il y a quand même un mystère d'être sur la terre. On ne sait pas d'où on vient, on ne sait pas d'où on repart. Chacun raconte ce qu'il veut, ce qu'il peut entre les deux, on cherche du sens. Mais je crois que j'ai aussi, une grande humilité de dire on ne sait pas, on peut saisir des petits bouts, des petites levées de voile, des tout petits débuts de sens. Mais quelle chance que ça nous dépasse, on n'est pas tout puissant. Ah, mais c'est bien. Ah, j'ai 10 questions, puis j'ai hâte de voir où ça va nous mener. Si tu étais un liquide. Un lichen Un liquide. Ah, un liquide. Quel serait? Ouais. Du lait. Oh, pourquoi du lait? Parce que... Du lait de vache ou du lait de chèvre? Du lait de femme. Ok, maternel. Ouais, du lait de femme. Parce que je pense que j'en ai manqué, je pense que des fois on en a tous un peu manqué. Ou du lait de la mamelle du ciel. Ah ouais. Ça serait de la grande déesse. Ah oui. Tu vois, de cette grande plénitude et tendresse du lait de la grande mère. Si tu étais une ville. Naples. Parce que je l'aime parce qu'elle est, elle est ardente, elle est baroque, elle est sale, elle est splendide, elle est palais ancien, elle est des cristaux voilés, et des catacombes et du sang de saints, elle est pleine de superstitions et de théâtre et de délicieux. Mozzarella, plaisir d'essence, homme en costard, chic, et théâtralité folle. Et en même temps, simplicité de cœur, populaire, draps qui pendent. Voilà, il y a un grand souffle c'est vivant. C'est le yin et le yang là-dedans. Il y a du bien et il y a de l'affreux. Ouais, ça grouille de vie et de décadence et de beauté. My love, and let me go. In your gunmetal eyes linger the crimes I paid you for. I will barnacle box the prison you know longer there. Am I too shy to stop a sleazy detail of the case? You can violet face glows like a ghost into the dark. I hear a broken bell. Is it a spell? Is it my heart? Baby blue eyes just gone away. So silent, honest, I'm a tame. Baby blue eyes, your name of love is written with mine on the pole. Baby blue eyes far in the sky, lights up and juggles with the stars. Baby blue eyes, with the clock's tick, can turn my poison into milk. Saints and waters are made to drown in

Il y a plusieurs mots pour désigner la lune. Il y a Hilal, c'est le petit croissant tout fin. Oui. Kamar, c'est la lune pleine. Il y a un mot, par exemple, il y a un verbe qui signifie jouir par l'extase que te donne la musique. Juste, ça veut dire, le verbe signifie jouir par l'extase que te donne la musique. C'est une langue d'une beauté. Je trouve que la langue arabe, l'arabe littéraire, c'est extraordinaire. Et la langue est d'une beauté. Puis on écrit, tu vois, de droite à gauche, ça change notre cerveau. Ça nous ouvre. C'est une poésie folle. C'est du dessin d'arabesque. Mais ça doit prendre une vie, tu comprends? C'est du travail. Mais c'est pas la langue, j'ai appris l'arabe littéraire. La langue, la dessiner, c'était une extase. C'était tellement beau. Des courbes. Si tu étais une époque. Je pense l'Égypte, pendant les pharaons. Ok. Le long du Nil, la magnificence. Je crois, ouais, des grandes civilisations. Peut-être les Mayas, les moments où il y avait des grandes cérémonies au soleil et à la lune, ces grandes fêtes païennes ritualisées où on avait accès à des extases collectives, ou justement le... La transe. Ouais, c'est vrai que la transe, c'est possible. Des époques spirituelles et... en effet, de libation aux dieux, ou les Dionysies en Grèce, tu vois. Des moments où le ciel et la terre sont profondément mêlés, on n'en avait pas peur. Des grandes fêtes collectives, des extases, des époques de joie. Ah oui. Si tu étais un mot. J'ai envie de dire amour et tout de suite après, j'ai envie de dire enthousiasme. Enthousiasme, parce que en grec, ça veut dire intéos, Dieu en moi. Donc quand on est enthousiaste, Dieu est en nous. Dieu de joie. Voilà, enthousiasme. Si tu étais un aliment, Du piment. Piment fort. Piment doux. Piment doux, hein. C'est-à-dire qu'il nous pique et en même temps il nous réveille. Ok, oui, ok. La petite réaction du... Si tu étais une saison. Le printemps. Parce que c'est bouleversant, parce que c'est total, parce que c'est la renaissance, parce que tout germe, c'est là où je suis née. Et je trouve qu'il y a un chaos des saisons, un fleuve, la vie reprend de toutes parts. Et quel espoir. Le soleil revient, les oiseaux, il y a la naissance de partout. Si tu étais un membre corporel. La main. Parce que même toutes les expressions, moi, prendre main dans la main, se donner la main, se tendre la main, avoir le cœur sur la main. Ouais. La main, parce qu'elle caresse, elle plante, elle saisit, elle danse, elle est agile, elle dit tout, elle est vivante. Elle est souple. Elle est souple, ouais. Elle est ardente. Elle est ardente, oui. Second hand. tu étais un moment de la journée? Je crois le petit matin. 6 heures? Ouais. Faut avoir le courage. Oui. Est-ce que tu te lèves tôt? Ça dépend. Quand c'est l'artiste, tu travailles souvent tard quand même, donc ouais, tu dors. Mais quand tu te réveilles le matin et tout est possible, je trouve qu'il y a un... Ou le soir quand même, peut-être à la tombée de la nuit l'été, vers 9h, 10h. Oui. Où tout commence à descendre, s'apaiser, ta journée est faite. C'est vrai. C'est moins chaud surtout. C'est moins chaud. Tout redescend, même la chaleur. Ouais. C'est vrai. Ouais. Si tu as choisi, est-ce que tu... Ah oh, non, mais c'est vrai, celui-là, oui. si tu étais un autre individu... Qui je serais? Oui. C'est tellement vaste comme question. Oui. Je crois moi-même parce que déjà je me connais encore si peu, je pense. J'ai l'impression que t'es tellement la route de la connaissance. Enfin, je veux dire, on est tellement mystérieux, on est tout ce qu'on abrite, que déjà même une vie, ça sera trop court pour s'approcher. Donc je crois que je voudrais quand même continuer avec moi-même. Pour pouvoir te connaître davantage. Ouais. Et puis je pense que par soi-même, on peut quand même approcher tout le reste. Parce qu'on a des alphabets communs, universels. Donc en ayant accès à soi, on approche tout le reste. Est-ce que tu peux te connaître à travers les autres aussi? Ah oui. Tu peux, je pense que tu peux aussi te connaître qu'à travers les autres. Parce que c'est eux qui te renvoient, cognent, subliment, agacent, enivrent. Et c'est l'autre qui te révèle ton contour aussi, sinon tu... Je penserais que, tu sais, comme le petit bébé, au début, il est en symbiose avec sa mère, il pense que tout l'univers est lui. Et en fait, l'autre t'apprend aussi que tout n'est pas toi. Et heureusement. À choisir, est-ce que tu m'en aimes le chemin? Je crois que ouais. Ah oui? Parce qu'en fait, même les conneries que j'ai faites, ou les trucs pas géniaux, ou les pertes de temps, finalement, en grandissant un peu, tu les comprends. J'ai l'impression que ça... Ça se révèle, au moins, tu commences à comprendre. Tu sais, ouais. Puis, en fait, ce qui est aussi un peu rassurant, c'est l'impression que, en fait, quoi que tu fasses, tout fait sens. Et je pense qu'on est là pour apprendre sur la Terre. Donc, oui. De toute façon, t'apprends, même si t'as l'impression que c'est sinistre, noir ou bloqué, il y a quelque chose que tu peux apprendre. Après, faut pas trop mariner, essayer de décoller si tu peux. Mais je pense que chaque pas est important et nécessaire. Même un peu douloureux parfois. Ça agrandit le cœur. Je me dis toujours quand des fois tu souffres, ça nous agrandit le cœur. Sais-tu? Tu parles depuis le début avec ton cœur et je trouve que tu as une liaison assez étroite avec Enrico Macias. Quoi? Est-ce que c'est un homme que tu respectes? Ah oui, beaucoup. Je trouve que tu as un côté Enrico Macias, tu as un côté humaniste. Toute sa carrière, il a tissé sur l'amour, sur la compréhension de l'autre, sur l'ouverture d'esprit, sur ne jamais juger, sur être à l'écoute de l'autre. Et tu as un côté, je trouve, Enrico Macias. Merci beaucoup. Mais c'est vrai. Et puis, as-tu beaucoup de projets? Est-ce que j'ai d'autres projets? As-tu beaucoup de projets, oui? Ah ouais, j'ai pas mal de projets. Oui, pas mal, trop. Il y a beaucoup de choses, du coup, il faut aussi bien discerner ouais. Ce qui est important pour moi, ce que j'ai envie de faire, là où je suis. Des fois, je me dis aussi, où est-ce que je suis le plus utile? Tu vois ce que je veux dire? Au monde, ça serait trop grand de dire ça, mais à ma vie, à grandir, à ce que j'ai envie de dire. Parce qu'en fait, aussi, par exemple, l'actrice, on t'offre plein de supports à défendre. Mais voilà, ouais, qu'est-ce qui résonne le plus avec là où t'es? Quel rôle peut t'aider à grandir? Mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui travaille pour toi, histoire de décortiquer tout ça, ou si t'es tout seul à recevoir les invitations, à recevoir les propositions et à discerner ce que tu veux, à ce que tu veux pas? T'as-tu quelqu'un qui... Bah, par exemple, pour le cinéma et le théâtre, j'ai un agent. Okay. Donc ça, c'est vrai que, tu vois, on en parle, on discute. Elle m'aide aussi à analyser. Ça, c'est bien. Par exemple aussi mes proches, c'est vrai que mes proches m'aident beaucoup. J'ai une grande tribu d'amis femmes qui sont aussi actrices, avec qui on échange beaucoup. Au firmament de nous-mêmes, ma bouche comme une plaie. Rouge et rouge vacillant, je rêve d'une infusion d'ange, un baume d'enfant. Qu'à court notre été, un baiser lent. Prends-moi, prends-moi entière, ne laisse rien. Sauve-moi, sauve-moi entière, ne laisse rien. Fais de moi ta reine, un baiser lent. Une fille qui rêve, un grand ciel blanc. Prends ma bouche, prends mon âme, prends-moi. Étends-moi, prends-moi. Offre-moi des jarres de ton nom, des jarres pleines de ton nom. Prends ma bouche, prends mon âme, prends-moi. Étends-moi, prends-moi. Ma transparence sera lumière, ma transparence sera lumière. Bois-moi comme un torrent, comme on aime, comme on se rend. La vie m'attend nouvelle, chavirant. Je souffre mon impuissance d'enfant. Prends-moi, prends-moi entière, ne laisse rien. Sauve-moi, sauve-moi entière, ne laisse rien. Étanche ma peine avec un drap. Ma petitesse à petits pas. Prends ma bouche, prends mon âme, prends-moi. Étends-moi, prends-moi. Offre-moi des jarres de ton nom, des jarres pleines de ton nom. Prends ma bouche, prends mon âme, prends-moi. Étends-moi, prends-moi. Ma transparence sera lumière, ma transparence sera lumière. Prends ma bouche, prends mon âme, prends-moi. Étends-moi, prends-moi. Offre-moi des jarres de ton nom, des jarres pleines de ton nom. Prends ma bouche, prends mon âme, prends-moi. Étends-moi, prends-moi. Ma transparence sera lumière, ma transparence sera lumière. Thank you. Je la trouve très libre justement dans ses choix. Tu vois, Jennifer Decker aussi, une grande copine. Je fais souvent des petits points. Okay. Je dis, je peux te parler de boulot. Elle me dit, bien sûr. Et on se prend un moment et elle m'aide à discerner, tu vois, ça. Mais qu'est-ce que ton cœur a vraiment envie de faire? Et ça, c'est pour quelle raison tu le fais? Et ça, d'essayer de, tu vois, de... Mais c'est pas évident, le choix. Non. C'est difficile. Non, parce moi, c'est... que tu dois abandonner quelque chose pour choisir quelque chose. C'est ça. Puis je pense que tout vrai choix est difficile, sinon ouais. T'aurais pas eu de problème à le faire. Non. T'aurais dit, bah c'est ça, c'est ça. Oui, c'est ça. Mais c'est... Puis le temps est finalement... T'as toujours un moment des... Tu as envie de faire mille choses, puis un moment du réel, des plannings. Oui, mais alors ça, c'est en même temps que ça, et ça... Et donc, là, tu renonces. C'est ça qui t'arrache. Ça, c'est arrachant. C'est arrachant. Vraiment, c'est le mot. Est-ce que c'est de plus en plus difficile de choisir à travers... Parce que tout, ça roule bien pour toi depuis quelques temps. Trouves-tu qu'il y a trop de projets puis il manque d'heures sur ces projets-là? Des fois, je trouve qu'il manque d'années en soi-même. C'est ça, exactement. Il devrait avoir 12 jours dans une semaine. Ouais. Mais ça, c'est vraiment quelque chose que je suis en train d'apprendre parce que j'ai l'impression que des fois, mon muscle du choix, il est encore maigrichon. Ah oui? Tu vois, dans le sens où... Bah, parce que j'ai un tel appétit, tout m'intéresse, j'ai une espèce de curiosité. Donc, de vraiment commencer à... Et en même temps, c'est marrant, mais tu... Mine de rien, les choses se font. Soit il y a des problèmes de date, puis finalement ça tombe, ou quelque chose est déplacé, ou... Puis les êtres que je pense que t'aimes et que tu les retrouves, tu te retrouves. Mais faut apprendre, ouais. Faut apprendre à choisir où mettre ses pieds. Parce que mine de rien, c'est marrant, mais ça j'ai toujours eu depuis enfant une espèce d'impression d'une urgence. Fait que le temps passe vite. Une urgence de vie. Ah ouais, qu'il fallait faire que des choses essentielles. C'est difficile pour moi quand j'ai l'impression de ne pas faire des choses essentielles. Est-ce que tu trouves que à l'endroit où tu es rendu actuellement, à l'âge que tu es, tu es fier de ton parcours? Parce que tu es toute jeune encore. Ouais, je suis fier. Oui, je suis fier. Je suis fier parce que... Puis je crois que... Même si c'est bizarre de dire ça, mais... Je crois que je me remercie un peu dans le sens où... Il y a toujours des moments où il faut un peu de force pour se... C'est pour dire, allez, c'est possible, on pourra aller être dans le monde auquel tu rêves. Moi, enfant, je rêvais tellement d'être actrice, même maintenant, de faire des concerts, c'est un rêve d'enfant. Et où tu prends toute l'énergie? Ben, je... Là, c'est la méditation? Ouais. Je pense que... Puis, l'envie de vivre, cette espèce d'appel d'envie de vivre. Et au fur et à mesure, j'essaie, je pense, de... me désencombrer du reste, tu vois, des angoisses, de la peur, de la tristesse. Est-ce que tu prends des vacances quelquefois ou ça n'existe pas dans ton vocabulaire, les vacances? Ah si, j'en prends. J'en prends. Et qu'est-ce que tu fais pendant que tu es en vacances? Souvent, j'aime bien aller marcher. J'aime dans bien... une ville que tu connais pas? Bah, par exemple, j'aime bien, je sais pas, j'ai fait, tu vois, des petits bouts du chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Ah oui? Ou des randonnées. Ah, t'es un rituel, sans doute. Ouais, j'adore. J'adore la liberté aussi. Je vais souvent marcher dans le désert aussi. Tu vois, j'ai des amis berbères avec qui je suis... Voilà, j'aime beaucoup la marche, le côté itinérant, découverte. Où t'as ton sac à dos, le matin tu ramasses tout et tu laisses pas de traces et t'avances. Et tu lunches à travers ça, tu manges, tu prends un petit peu, tu continues. Ouais, puis tu t'arrêtes où tu veux, dans la nature où c'est beau. C'est la liberté. C'est la liberté. T'as l'impression d'être un peu, tu sais, Rimbaud tout jeune, qui fend la nature ou... Ouais, c'est la liberté, puis tu sais pas ce que tu vas rencontrer, homme, animal, ville, paysage. Et de s'arrêter exactement quand tu veux, parce que c'est beau, te baigner dans une rivière parce que c'est beau. Là, tout d'un coup, t'arrêter avec quelqu'un parce que cette personne, tu peux pas la laisser passer et puis repartir. Je trouve que ça nous apprend à vivre aussi, ça, une espèce d'itinérance. J'adore les nomades, j'adore les gitans, tu vois, je vais au Sainte-Marie-de-la-Mer pour le pèlerinage des gitans. Il y a quelque chose des nomades qui me parle infiniment. Est-ce que tu vas en prendre bientôt des vacances ou t'as pas le temps? En août, je vais en prendre. En août, je vais être en vacances. C'est quoi, 2 semaines? Ouais, 2 semaines. Après, tu Et après, voilà, ça sera la création du spectacle, et puis après, ça sera le concert, et après, ça sera... Le livre-disque? Ouais, le livre-disque. Et tu vas maintenir au courant, puisque j'aimerais diffuser tes chansons? Oui. Est-ce que c'est disponible? Est-ce que tu peux m'envoyer des chansons déjà par un lien? Bien sûr! Okay. Je vais t'envoyer, c'est pour ça que je t'ai demandé ton mail, je vais te faire un WeTransfer de toute la playlist qui est sur SoundCloud en lien privé, mais il n'y a aucun problème. Et j'ai accès à placer ça sur mon disque dur? Oui. Okay. Tu les enregistres et du coup tu les as? Et c'est en point wave? Oui. Ah, c'est ça, ok, c'est ça. Ouais, on va tout... Ok, tu t'as renseigné? Oui, j'ai demandé du coup à Carole, okay. Et elle m'a dit qu'elle allait tout envoyer en WeTransfer de point wave. Ah, parfait. Ok, je vais te remettre mon courriel au courant de l'après-midi. Super. Eh bien, merci de ta rencontre. Merci d'avoir accepté. Et je t'en prie. C'est une belle rencontre du matin. Moi aussi. Tu es rafraîchissante. Merci. Merci de ton cœur. À la revoyure. À la revoyure. Est-ce que tu crois faire des spectacles éventuellement au Québec? Mais je pense, parce que tu sais, même justement avec Carole, elle travaille dans ce festival. Tout ça, c'est en cours. Tout ça sur l'année prochaine, l'été prochain, il y a plein de choses qui se préparent. Carole, c'est une fille active, c'est incroyable. Ah ouais. Elle est très passionnée. Tu la connais? Ben oui, je la connais. Ah ouais, ben oui. C'est une merveille. Ben, je la connais à travers les artistes, parce que son nom revient souvent. Carole, quand t'es chanteuse, c'est vraiment la mère qui surveille l'enfance. C'est beau que tu dis ça. Ouais. C'est vraiment ça. Oui. Ah oui, elle est très... Elle est bonne. Oui, ah oui. Une bonne âme. Ouais, c'est une bonne âme. Oui. Merci. Oh! Merci de tout cœur! Hey, je vais prendre des photos. Je t'en supplie, bien sûr! C'était magnifique! Hey, mais toi aussi, t'es vraiment explosive. Nourrissant! Putain, t'as l'impression que tu prends dans les bralettes, tu l'accueilles, tu l'écoutes. Si tu le touches pas, t'as un cœur immense, tout en sensibilité, en respect. C'est rare, c'est beau. Merci. Grande, tu permets d'être soi-même. Il faut l'être. Hein. On a juste une vie à vivre, puis il faut pas se la trafiquer. Prends des photos. Oui. Ah.

verás las horas mi pasar, porque te vas. Todas las promesas de mi amor se irán contigo. Me olvidarás, me olvidarás. Junto a la estación lloraré igual que un niño, porque te vas, porque te vas, porque te vas. Bajo la penumbra de un farol se dormirán todas las cosas que quedaron. There's no one left to take the lead.